50 languages. 73. 73. 73. السماح بفعل شيء. Avoir le droit de faire quelque chose. Avoir le droit de faire quelque chose. هل سمح لك بقيادة السيارة؟ Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture? Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture? هل سمح لك بشرب الكحول؟ Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool? Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool? هل سمح لك بالسفر بمفردك إلى الخارج؟ Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger? Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger? يسمح أن يمكن أن Avoir le droit, pouvoir. Avoir le droit, pouvoir. أيمكننا التدخين هنا؟ Est-ce que nous pouvons fumer ici? Est-ce que nous pouvons fumer ici? A-t-on le droit de fumer ici? A-t-on le droit de fumer ici? Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit? Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit? Est-ce qu'on peut payer par chèque? Est-ce qu'on peut payer par chèque? Peut-on payer seulement comptant? Peut-on payer seulement comptant? أيمكنني إجراء مخابرة هاتفية؟ Est-ce que je peux téléphoner? Est-ce que je peux téléphoner? هل لي أن أوجه سؤالاً؟ Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? أتسمحون لي بأن أقول شيئاً؟ Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? لا يسمح له بالنوم في المتنزه. Il ne peut pas dormir dans le parc. Il ne peut pas dormir dans le parc. لا يسمح له بالنوم في السيارة. Il ne peut pas dormir dans la voiture. Il ne peut pas dormir dans la voiture. لا يسمح له بالنوم في محطة القطار. Il ne peut pas dormir dans la gare. Il ne peut pas dormir dans la gare. أيمكننا الجلوس؟ Pouvons-nous prendre place? Pouvons-nous prendre place? لائحة الطعام من فضلك. Pouvons-nous avoir la carte? Pouvons-nous avoir la carte? أيمكننا الدفع كلنا على حدة؟ Pouvons-nous payer séparément? Pouvons-nous payer séparément?